Le vif de l'histoire, chronique d'histoire et d'actualité. Jean Lebrun, les adeptes du rugby à 13 regrettent que les médias préfèrent le jeu à 15. En fait, c'est le maréchal Pétain qui a brisé l'histoire du rugby à 13. Il a dissous leur ligue par un décret du 19 décembre 1941, il y a près de 80 ans. Alors, on peut reprocher aux médias de ne pas parler du rugby à 13. Personne ne me reprochera de ne pas parler du maréchal Pétain. Et c'est par ce biais que je vais tenter de réparer l'injustice qui frappe donc le rugby à 13. Alors, on sait qu'il est né en Angleterre, lui aussi, comme le rugby à 15. Son succès fulgurant, dès qu'il se constitue officiellement en France, en 34, tient entre autres à une raison. À la différence du rugby à 15, il admet une professionnalisation. Ses meilleurs joueurs gardent un métier civil, mais touchent de substantielles primes à chaque match. Or, à cette époque, les sports se sont beaucoup répandus en France. La politique du Front populaire n'y a pas été pour rien. Et ils sont devenus le plus commun des spectacles. La radio n'y a pas été pour rien. Et le spectacle, le rugby à 13, en offre plus que le rugby à 15. La course plutôt que la mêlée, le plaquage à peu près autorisé, la vivacité en somme. Et son ascension est très brillante. De grands joueurs, de grands clubs, Cirali, Brive, Carcassonne, Narbonne. Au total, sa ligue compte 220 clubs en 39. La fédération du rugby à 15 en a encore deux fois plus, mais ses recettes peinent à égaler celles du rugby à 13, que maintenant les journaux préfèrent largement. La trésification, oui, on dit trésification, est cassée nette dès le début du régime de Pétain. Oui, le Front populaire avait eu une politique sportive. L'État français va en avoir une, que résume ici Frédéric Pommier. Gloire à vous, maréchal. L'on verra vibrer, ainsi que les poèmes, sous les doigts du soleil, les lignes de nos corps. Le premier commissaire au sport du régime, le champion de tennis Jean Borotra, déteste le professionnalisme autant qu'il adore Pétain. Son adjoint et futur successeur, le colonel Pascot, est un ancien rugbyman. Les dirigeants du rugby à 15 et les bureaux des sports de Vichy vont s'entendre comme larron en foire, sur fond d'exaltation du sport de terroir, le lieu naturel de la Révolution nationale. Et vous dites, le rugby va être en conséquence dans le viseur de Vichy, beaucoup plus que d'autres sports, hein, tout aussi attirés par le professionnalisme. Oui, le foot, la boxe, le cyclisme, la pelote basque auront 3 ans pour retrouver l'amateurisme idéalisé. Au rugby à 13, il est enjoint de se corriger de suite. Un rapport est commandé à l'automne 40 à un ponte du rugby à 15 qui indique la seule issue, l'absorption des dissidents. Et ces choses hâtivement faites, le décret du 19 décembre 41 met un point final à la destruction de la Ligue du rugby à 13, dont les biens sont confisqués. Ils passeront au Comité national des sports et se retrouveront souvent dans le patrimoine du rugby à 15. Alors dans cette affaire, plus encore que les intentions politiques, a joué le rapport des réseaux du sport. Les circonstances ont permis au chef du rugby à 15 de se débarrasser d'un rival très dangereux, le jeu à 13. Vous dites maintenant le jeu à 13. Bah oui, parce qu'après la libération, Marion, les 13istes reconstituèrent leur organisation, mais sans pouvoir utiliser le mot rugby. Ils n'étaient plus que des pratiquants d'un jeu à 13, et il a fallu qu'un de leurs présidents, l'universitaire Jacques Sopelsa, entame une action en justice pour retrouver l'appellation qui leur avait échappé au congrès de la fédération 15iste. Son chef, le délicat Albert Ferras, tonne alors. « Ah, vous voulez la guerre, messieurs, vous l'aurez, la guerre totale !» Le congrès se tient à Vichy. Il faudra, face aux multiples recours des 15istes, des années de procédure, avant que la Cour de cassation, en 93, n'autorise l'expression « rugby à 13 ». Jean Lebrun et sa carrure de rugbyman, merci. Les auditeurs vous retrouvent demain avec Intelligence Service au programme. Eh bien, au programme, Jacques Ellul, théologien protestant. Merci et à demain, Jean. France Inter.